le genre de signalement tu ne reçois rien. Y aurait-il manque de connexion? Y'a que dans tes yeux que je me perds. Comme un voyageur, sois ma destination. Te montrer mes sentiments, tu ne vois rien. Insensible même quand je fais l'insensé. Sois mon remède, toi ma lumière. Je serai celui qui te dira tu ne crains rien. Oh non, ne pleure pas pour rien. Je serai celui qui séchera tes larmes. Non, ne crie pas pour rien. Je ferai la guerre pour baby, je prendrai les armes. Oh, non, ne sors pas pour rien. Je te donnerai la moitié de mon existence pour que tu vives. Décrocher les étoiles que tu oh, oh, oh, baby, non. Sois-moi quand j'ai mal. Aucune autre ne pourra le faire mieux que toi. Oh, baby, non. Sèche-moi tous tes larmes. Quand je ferme les de ton silence, pour ton amour j'irai faire le tour des continents. Si t'as des doutes, tu sais que tu peux te reposer sur moi. Tu peux compter sur moi. Impossible d'arrêter de t'aimer, c'est comme arrêter de respirer. Mon rayon de soleil, mes journées tu fais que d'éclairer. J'aurais pas assez de souffle pour laisser sentiments parler. Mais je te veux éternellement. Ne pleure pas pour rien. Je serai celui qui séchera tes larmes. Non, ne crie pas pour rien. Je ferai la guerre pour baby, je prendrai les armes. Oh, non, ne sors pas pour rien. Je te donnerai la moitié de mon existence pour que tu vives. Décrocher les étoiles que tu veux.